Tu me tues. rejoindre toutes tes petites amies. N'en fais pas une maladie, c'est rien, je m'en vais, c'est tout. Tu trouveras tous les tranquillistous dans la boîte à pharmacie. Plus présent qu'à mes côtés. Tu m'as dit que je t'aime, mais toi, tu n'y crois pas. Je te sens à l'intérieur, et pourtant je te sens ailleurs. Tu es si proche de moi, mais je sais que le cœur n'y est pas. Je t'aime, mais toi, tu n'y crois pas. We'll be right back. Fais comme ça, fais comme si. baiser. Doudou, c'est ça qui me tue. Puis tu me raquettes, bitini. Et moi, Bouchou, je reste pieds nus. Juju Bouchou, Juju Bouchou Dou. Coucou Chouchou, Poup, Poupidou. Je sais jamais où tu es, tu es. Un peu foufou dans ta tête à toi. Tu reviens puis tu disparais. Tu me fais coucou, me revois là, là. Et moi si tu crois que ça m'amuse, tu fais là. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleus marines. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie les faits retard. Toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Ça m'assassine de continuer sans toi. Tu peux compter sur moi. cafard. J'ai touché le fond de la piscine dans ton petit pull marine.